café avec tes potes à boire la cesse. Quand elle est entrée cherchant, tu regardes une place assise. Comme t'as tendance à être un gentleman en toute franchise, tu pouvais pas la laisser au bar à couler sans chaise. T'as donc laissé ta place et son parfum comme une brise a soufflé sur ton cœur et en a ravivé les braises. Tu t'es penché à son oreille comme la tour de Pise pour lui parler en séducteur et d'une voix qui apaise. Pour que t'es mauvaise, elle a charmé sans dévoiler des pensées trop mauvaises. Tu pensais pouvoir te maîtriser pour la leurrer à l'aise. Duper une femme est difficile, tu le réalises. Et ton appétit d'elle dessine dans tes yeux sa frise, qui colore tes joues d'un reflet teinté de rouge fraise. Plus tu la regardes, plus ton esprit est confus et s'enlise en pensée toi la prenant sur ton lit sans à l'aise. Son corps dans l'océan de tes yeux est comme une balise, mais t'es détourné d'elle par l'arrivée d'un mec balèze. Un calcul rapide, lui il est seul et vous êtes 13. Si on s'y met tous, y'a peut-être une chance qu'on le maîtrise. Il s'approche et l'embrasse en lui disant on se tire malice. Tu vois son embarras alors pour cacher son malaise, tu te penches vers elle comme un ami et lui dépose des bises. Et tu te noies dans ta bière ce soir, c'est lui qui la baise.